بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما الحكم إذا تعارض أمر الوالد مع الوالدة؟ من كتابه لقاءات الباب المفتوح. أي si ton père te donne un ordre et ta mère elle te donne un ordre, وهذا الأمر يعارض هذا الأمر. Et l'ordre de ton père, il contredit l'ordre de ta mère. Et tu dois obéir à qui ? قال الشيخ العثيمين رحمه الله. الجواب: إذا تعارض أمر الوالد والوالدة فيجب أن تداريهما. Ça nous montre علم هؤلاء الأئمة. تأملوا la réponse. Il n'a pas directement dit tu dois obéir à la mère ou tu dois obéir au père. لأن il y a des حالات. On pense que les deux ordres ils se contredisent, c'est fait le haqiqa, il n'y a pas de contradiction. Tu peux obéir à ton père ou obéir à ta mère. Maintenant, tu peux appliquer cet ordre à ton père à ce moment et à ta mère, il n'y a aucun problème. Et ahyanan kadhalik, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, idha ta'arada amru al-walid wal-walida fayajib an tudariyahuma wa an taqdiya shughl al-walid wa shughl al-walida. Ahyanan aussi, tu peux parler à ton père ou à ta mère. Tu expliques à ta mère, Mathalan, est-ce que ça te dérange si je vais te chercher telle chose dans un quart d'heure, dans une demi-heure, dans une heure? Et si elle te dit, il n'y a pas de problème, t'en profites pour faire ce que ton père il a dit, summa tu reviens et tu fais ce que ta mère elle a besoin. Hakada al-fiqh, ne pas se précipiter. On peut faire les choses. On peut faire les choses, mais ça demande de la réflexion, de ne pas se précipiter. Et كذلك de dialoguer, de parler. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإذا تعذر ذلك. لكن il y a des cas où tu peux pas. Ton père maintenant il veut telle chose tout de suite et ta mère elle veut telle chose tout de suite. Et en fait tu peux pas faire les deux. Tu dois choisir un. Pas lequel choisir. قال فإذا تعذر ذلك ينظر أيهما أكثر ضررا إذا خالفته. Avant de passer à la dernière étape. Il y en a beaucoup, ce genre de questions. On pense directement, on a vu que la mère elle a un plus haut rang, bien sûr. On doit obéir à la mère avant le père. Avant cette étape, tu dois regarder. فَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ يُنْظَرْ أَيُّهُمَا أَكْثَرَ ضَرَرًا إِذَا خَالَفْتَ. Et si tu délaisses l'ordre du père, est-ce que ça va impliquer un mal beaucoup plus grand que si tu laisses l'ordre de ta mère ? Ou l'inverse ? Tu regardes. قال الشيخ ابن عثيمين فإن كان الأكثر ضررا الوالد فقد حاجة الوالد. مثلا si ton père il t'a demandé d'aller lui acheter un médicament, c'est un médicament il a vraiment besoin, il est atteint d'une maladie et ce médicament il doit le prendre à telle heure tous les jours sinon ça lui fait beaucoup de mal. Ta mère elle te demande d'aller faire une course, lui acheter quelque chose, de la nourriture ou quelque chose qui n'est pas primordial, qui n'est pas essentiel. Dans cette situation, tu fais passer l'ordre du père. Le fait de le délaisser dans ce moment, ça va impliquer un énorme mal. Ça nous montre que beaucoup de choses, ça implique, ça a comme conséquence des masalih ou des mafasid. Masalih, des choses profitables, mafasid, des choses néfastes. Tu dois regarder en tant que musulman et ne pas foncer. قال وإن كانت الوالدة أكثر ضررا فقضي حاجة الوالدة. Si on prend le même exemple avec le médicament, et ta mère elle a besoin d'un médicament et ton père il a besoin d'une chose qui n'est pas essentielle, ça peut attendre. Tu fais passer plutôt l'ordre de la mère avant. Et في هذا الحال, bien sûr, sans négliger le père. Léna, tu peux parler à ton père. Tu lui dis j'ai quelque chose à faire, ou tu lui dis bien sûr ta mère elle a besoin, ou si tu ne peux pas lui informer que ta mère elle a besoin, muhim tudarih comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, avec un kalam tayyib, tu arrives dans quelques temps, yasbir et inshallah yakun khair. Le fait de ne pas l'informer, le délaisser, Obama, le père il le prend très très mal, il pense que tu es désobéissant, et Obama il dit certains kalam, Obama il fait dua, certains parents ils se précipitent et ils font dua contre leur enfant. Et là, c'est très très grave. Tu lui parles, tu lui montres, tu arrives rapidement quand tu as fini cette chose. Dernière étape. Hajatul walid, elle est exactement comme hajat al-walida. Ça peut être une chose importante pour les deux, ou une chose qui n'est pas importante pour les deux. Et ils sont au même niveau. قَالَ فَقَدِّمْ الْوَالِدَ Dans ce cas-là, tu fais passer l'ordre de la mère avant. لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ سُئِلَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي أي النبي صلى الله عليه وسلم il a été interrogé مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي أي qui c'est qui mérite parmi les gens أي le fait que je l'accompagne, que je le fréquente, que je reste avec lui. فَقَالَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَمْ أُمُّكُ قال ثم من قال ثم امك اي il a répondu la mère ثم ils lui ont reposé la question une deuxième fois قال امك ثم امك اي encore ta mère une troisième fois قال ثم من قال ثم امك donc la mère trois fois ثم من قال ثم ابوك اي le père il est venu à la quatrième fois هذا سندليل ça montre ان dans ce genre de cas on fait passer l'ordre de la mère avant. La référence donc, liqa'at al-bab al-maftouh al-mujallad al-thani, le deuxième volume, page 221, la fatwa numéro 11. Al-hadith que Cheikh Ibn Uthaymin l'a cité à la fin, il est fi al-sahihayn, sahih al-Bukhari et sahih muslim, kama fi al-hashiyah. Wa naktafi bihada wa alhamdulillah.